Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la Belle Église à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Vraiment, personne n'est comme toi. Il n'y a point de Dieu qui est comparable à toi sur toute la terre, dans le ciel, en dessous des eaux. Et ce matin, nous venons encore te dire merci pour la grâce et le privilège d'être nulle part ailleurs que dans ta grande présence. Nous sommes honorés d'être dans une telle grande présence. De simples êtres humains comme nous, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, tu nous fais grâce de pouvoir être dans ta grande présence. Et nous sommes humiliés ce matin. Et nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège. Et ce matin, nous venons à tes pieds humblement. Et nous disons, Éternel, notre berger, nourris-nous ce matin. Donne-nous de ta manne ce matin. Remplis-nous ce matin. Par ta parole ce matin, donne-nous la guérison, Père. Par ta parole ce matin, restaure-nous. Par ta parole, nous qui sommes fatigués, découragés, encourage-nous ce matin. Donne-nous de l'espoir ce matin. Et donne-nous la force ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que pourrons-nous faire sans toi? Que pourrons-nous faire sans toi? Nous avons tant besoin de toi. Viens prendre le plein contrôle. Viens prendre le plein contrôle. Viens prendre le plein contrôle. Touche-nous. Agis comme bon te semble. Et ce matin, nous nous livrons entièrement à toi. Père céleste, merci pour cette opportunité. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Are you blessed? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est un privilège pour moi de me tenir ici ce matin. Alléluia. Et je suis humiliée. De me tenir derrière ce grand pupitre. Amen. Ouin, de Sister Simone. Alléluia. Et ce matin, je ne peux pas commencer à prêcher sans reconnaître son impact dans ma vie. Amen. Je lui dois ma vie. Je dois à Sister Simone ce que je suis aujourd'hui. Amen. Parce que pour qu'aujourd'hui, le 20 mars 2016, une star de boîte de nuit se tienne là à prêcher, c'est qu'il y a un grand travail qui s'est fait. Et Dieu a utilisé la personne de Sister Simone pour pouvoir changer la personne que je suis. Il a utilisé la personne de Sister Simone, amen, pour faire de moi aujourd'hui un vase d'honneur. Alléluia. Une perle de prix. Alléluia. Et j'aimerais qu'on bénisse Dieu ce matin pour la vie de Sister Simone, qui est ma bergère, ma maman. Amen. Accra ici, elle est tout pour moi. Amen. Et Dieu l'utilise beaucoup dans ma vie. Je peux être têtue envers tout le monde, mais je n'arrive pas devant Sister Simone. Amen. Et je bénis Dieu de ce que Dieu l'a utilisé pour faire dans ma vie. Et je bénis aussi Dieu pour la vie d'Ediakos, qui est l'assistante de Sister Simone. Une femme très dynamique, amen, qui aime vraiment le Seigneur et qui aime faire les choses de Dieu avec perfection. C'est apprendre, amen. Et ce matin, il y a quelqu'un qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. MSG! merveilleux pasteur. Oh. We miss him so much. Notre pasteur, pour ceux qui sont là pour la première fois, je ne suis pas votre pasteur. Oh. Notre pasteur est en voyage. Donc, il m'a demandé de venir partager quelque chose avec vous. C'est lui qui a la grande onction pour faire les grandes prédications, ok? Donc, moi, je viens juste vous exhorter ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Et mon exhortation va se porter dans le livre de Luc, Luc 12, versets 16 à 21. Ouvrons nos Bibles à Luc 12, versets 16 à 21. La Bible déclare, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est l'histoire d'un homme riche qui pensait qu'il était arrivé. Amen. Il a prospéré dans ses affaires. Et un matin, il s'est levé, il était en train de réfléchir. Il ne parlait pas à voix audible. Mais Dieu a entendu ce qu'il disait. Dis à ton ami ce que tu dis dans ton cœur. Dieu entend. Et il disait que, Amine, j'ai prospéré, j'ai assez d'argent, j'ai assez de biens. Donc, mon âme, tu sais quoi, Charlie? Enjoy small. Enjoy small. Be happy. Amen. Et Dieu lui dit, le verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alors que tu es en train de faire tes plans et que tu ne penses pas à moi, tu es un insensé. Maintenant, tout c'est bien. Si cette nuit même, moi Dieu, je décide que toi, tu ne vivras plus, tout c'est bien, qui va les enjoyer? Est-ce que tu partiras avec? Non. On continue. Vous me suivez? Parfait. Verset 22. Jésus dit, non, 21, verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi pour celui, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu t'amasses des trésors pour toi-même et tu n'es pas riche pour Dieu, la Bible déclare que tu es insensé. Vous-même, vous savez que je suis gentille, non, je ne vais pas vous insulter. Non, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Amen. Le riche avait des plans. Amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir les plans, les amis. Et par la grâce de Dieu, nous sommes jeunes, n'est-ce pas? So, en tant que jeune, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de plans, and it's fantastic. Si tu es jeune et tu vis juste comme ça, si tu es jeune et tu existes, tu ne vis pas, tu existes. Il y a un problème. Une personne qui existe, lui, il est juste là, il n'a pas de plan pour demain. C'est du genre, t'allais, on se réveille demain, c'est ça. Ce qui arrive, t'allais, on avance, on fait avec. Jésus est vivant, il est assis sur son trône. Non. Non. Un être humain, tu ne peux pas juste exister. Il faut vivre. Il faut avoir des projets, il faut avoir des plans. Surtout en tant que jeune. Amen. You can't just be there like that. Non. Amen. C'est pas mauvais d'avoir des projets. Amen. C'est pas mauvais d'avoir des plans. Et beaucoup d'entre nous, c'est sûr que même ma fille, ta journée de demain, tu sais comment ça va se passer, n'est-ce pas? Tu peux un peu nous dire ce que... Demain matin, j'ai prévu d'aller à l'école. Après les cours, nous avons entraînement à la méga team. Après la méga team, je pense que la journée est faite. Amen. Et il a un projet. Voilà quelqu'un, on est aujourd'hui est dimanche, hein? 7h et quelques, right? Ben, il sait déjà ce qui va se passer demain. Il sait que à quelle heure la méga team? À partir de 15h. Donc, normalement, à 15h, monsieur Murphy ici sait qu'il sera à Pinkwa. Il dit à Pinkwa. Yeah. Pour la méga team. It's fantastic. Ben, is it sure? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi demain? Le programme n'est pas mauvais, c'est pas un péché d'aller jouer au foot, you know, de partir à l'école le matin. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi demain? Le titre de mon message, c'est « En ce jour-là ». En ce jour-là. Amen. Comme je vous ai dit, c'est pas mauvais d'avoir un plan. C'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais la Bible dit que celui-là qui n'est pas riche pour Dieu est un insensé. Et Dieu veut que nous devenions sages ce matin. Amen. On va lire, on va prendre nos Bibles aussi dans le livre de Luc toujours, chapitre 17. À partir du verset 26. La Bible déclare, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. By the way, c'est un message que Sister Simone a prêché, donc je ne fais que copy and paste, quoi. Ouais. C'est pas de ma faute. c'est ça. Elle a rendu le ministère facile. That's all. Amen. So, Luc 17, à partir du verset 26, la Bible déclare que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Noé, amen, arrivera aussi le jour où Jésus-Christ reviendra. Et la Bible déclare qu'au temps de Noé, I mean, it was cool. Les gens buvaient. Est-ce qu'on ne boit pas? Hier, j'ai bu le coca, j'ai bu le Fanta. C'est pas grave. Les gens mangeaient. Est-ce qu'on ne mange pas? Tout à l'heure, quand on finit, il y aura quelqu'un parti. Et tout part pour les indites. Les gens se mariaient. Les gens se mariaient. C'est bien de se marier. Amen. C'est la volonté de Dieu que l'homme quitte son père ou sa mère et s'attache à une belle demoiselle. Et la Bible me dit que enjoy la femme de ta jeunesse. Donc les hommes, mariez-vous tôt. Pendant qu'il y a l'énergie pour enjoyer la femme de votre jeunesse. C'est pas maintenant 50 ans, tout est fatigué maintenant, tu veux te marier. Tu pourras même pas bien enjoyer. Le plat est là, tu ne peux pas manger parce que tu es fatigué. Amen. Donc, marions-nous tôt. Alléluia. Donc, ils étaient là, ils menaient une vie normale. Et Noé leur disait, vous savez quoi, Dieu m'a parlé. Et Dieu a dit qu'il va détruire cette terre-là. Ils disent, ah Noé, Noé vraiment, toi tu es fatigué. Laissez le vieux là, pardon, il est fatigué. C'est sûr que, amen. Est-ce qu'il sait même ce qu'il est en train de dire? C'est ce qu'il a bu ce matin. C'est Casapreco ou bien c'est à l'obobites. Qu'est-ce que tu as bu et puis tu viens nous fatiguer là? C'est comment Dieu on sait que Dieu est amour, oui, il est bon. Comment il va venir détruire toute la terre? Ma femme, please. Don't disturb us. Et ils continuaient dans leurs activités de se marier, de boire, de manger, les festivités. Amen. Un gars peut avoir 5 go. Amen. Une go peut avoir 10 gars. C'est tranquille, quoi. Yeah. You know. La vie continuait. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans cette vie, ils menaient cette vie, le déluge vint et les détruit. Amen. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient emportés par le monde et les feux d'artifice du monde. Tout ce qui brille, tout ce qui est nice. Donc ça fait qu'on n'a plus le temps pour Dieu. Quand le pasteur te parle, tu dis que le pasteur est fatigué. Elle a fini de vivre sa vie maintenant. Elle vient nous fatiguer que non, faut arrêter de bâtir en bois, faut arrêter. Aujourd'hui là, moi qui suis devant toi, je ne suis pas fatiguée. Je suis plus jeune que toi même. So, faut savoir que c'est d'actualité. Amen. On continue. Can you help me out? Next verse, please. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, on a fini avec Noé. Noé, ils étaient en train de manger, ils buvaient, ils se mariaient, ils enjoyaient. Ce temps est passé. Ils n'ont pas compris. Maintenant, le temps de Lot. Les hommes mangeaient. On mange. Ils buvaient. Là, maintenant, ils achetaient même. Autant de Noé, ils n'achetaient pas. Là, maintenant, la vie est devenue high level. Le niveau de vie est devenu élevé. Ils ont l'argent, ils prospèrent. Donc, ils achètent, ils vendent, ils plantent. Hey, ils bâtissaient. Papa, papa, papa, papa. Donc, mais du genre, ils ont des maisons, des duplex, avec piscine et tout ça. Leur maison, c'est comme des five-star hotels, Et ils conduisent les dernières marques de voitures. Chalet. Les Range Rover. Avec les grands téléphones. Chalet, life is beautiful. Life is good. LG. Donc ce temps-là, c'était LG time. Life is good. Donc pendant qu'ils étaient en train de bâtir, bâtissaient. Yes, please. Next verse. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voilà des gens à qui Lot disait que tu allais. Sodome et Gomorrhe, il y avait tout. Tout ce qui est mal. Les PD, les lesbiennes, tout ce qui est mauvais auquel tu peux penser. Le vol, c'était la liberté totale. Dieu n'avait rien à dire à Sodome et Gomorrhe. Il n'avait rien pour les contrôler. Ils vivaient selon le désir de leur cœur. S'ils sont là et puis ils ont envie de coucher avec un bébé, ils soulèvent le bébé et couchent avec le bébé. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vous savez qu'on n'est pas différent d'eux. Tu n'es pas payé aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu peut librement parler dans ta vie? Alors que tu as de bons plans, là je suis venue pour un an, je vais à Ella, un an, je finis, je vais à Ghana Telecom, je sors ingénieur, je rentre au pays, il y a l'oncle qui est basé quelque part, il me cale là-bas, c'est tranquille, je cherche une petite, je le pousse, je l'enceinte, elle me fait des enfants, et puis, je pense que la vie est bonne comme ça, j'ai réussi, je suis arrivée. La Bible dit insensé. Insensé. Tu veux t'amasser des trésors sur la terre. Et tu oublies Dieu. Lorsque tu oublies Dieu dans tous tes plans, jeune homme, jeune fille, tu es insensé. La vraie réussite pour Dieu, c'est celui-là qui le connaît. C'est celui-là qui le sert. C'est pas avoir une voiture, avoir des maisons et tout. Les gens du temps de Noé et de Lot pensaient qu'ils allaient vivre éternellement. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous allons vivre éternellement. Nous pensons que nous sommes éternels. Il y a un jour où le Fils de l'homme viendra. Est-ce que tu es prêt pour ce jour-là? En ce jour-là, où te trouveras-tu? En ce jour-là, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Mon frère, ma soeur, le choco, la chocolatée, c'est bon d'être star, c'est bon d'avoir des projets. Mais en ce jour-là, dans quelle position est-ce que le roi des rois viendra te trouver? Ce jour-là, please, can we move on to the next verse? En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qu'il y aura des effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Parce qu'en ce jour-là, toute ta possession sera égale à zéro. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Because, mon frère, ma soeur, au ciel là-bas, on n'a pas besoin de Range Rover. Dieu n'a pas besoin de ton téléphone, de ta tablette, je ne sais pas quel gadget tu as, of your designer shoe or your designer bag. Au ciel là-bas, c'est égal à zéro. Ou bien ton parfum de valeur, au ciel, c'est égal à zéro. Ce qui compte là-bas, c'est ta position en Christ Jésus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Next verse. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Alléluia. I'm stopping here. Je m'arrête là. En ce jour-là, il y a un jour. Est-ce que tu es prête pour ce jour-là? Belle demoiselle, est-ce que tu es prête pour ce jour-là? Beau gosse, est-ce que tu es prêt pour ce jour-là? Est-ce que tu es prêt? Parce que ce jour-là viendra sûrement. Et il y a une vérité, hein? Il y a une vérité. De vous à moi, ce n'est pas nous tous qui allons voir ce jour de l'enlèvement. Ça, c'est la vérité. Whether you like it or not, ce n'est pas nous tous qui allons voir Jésus-Christ revenir. Ce n'est pas nous tous qui allons expérimenter l'enlèvement. Beaucoup d'entre nous, on sera déjà morts ce jour-là. Donc moi, ce matin, je veux utiliser en ce jour-là comme le jour de ta mort. Qui peut être demain. Qui peut être dans une heure. Qui peut être dans 30 minutes. Nous ne savons pas. Notre vie ne nous appartient pas. Belle demoiselle, pendant que tu es encore en vie, cherche Christ. Donne ta vie à Christ. Accepte Jésus dans ta vie. Sers-le. Et aie des projets. C'est ça la vraie réussite. Notre beauté ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Notre beauté, la beauté que Dieu nous a donnée, ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Do you understand? C'est bien beau de partir à l'école, d'avoir un powerful diplôme. Dieu est content. C'est bon d'avoir un bon boulot qui te paye bien. Tu as un compte en banque plein de dollars et de dépenses. C'est beau. Et ce n'est pas un péché. Tu ne pêches pas lorsque tu es riche. La Bible déclare que Dieu prend plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Donc, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché d'être riche. Do you understand? C'est pas un péché, les amis, c'est pas un péché de rouler la plus belle voiture qui existe. Ce n'est pas non plus un péché d'avoir la plus belle maison. Ce n'est pas non plus un péché de voyager dans les avions comme si tu partais à Makola. Receive it in Jesus' name. Normalement, nous sommes destinés à être des personnes prospères. Parce que notre Père Céleste, il n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Notre vraie maison, là-bas, il n'y a pas la poussière. Les rues sont pavées d'or, s'il vous plaît. Les rues des cieux sont climatisées. Il n'aura pas la chaleur comme à Accra. No light up. Amen. C'est pas un péché de prospérer. C'est pas un péché de te marier à la plus belle fille. C'est pas un péché d'épouser le plus bel homme du quartier. Du tout. C'est pas un péché d'avoir de très beaux enfants, très intelligents. Du tout. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? En ce jour-là, en ce jour de ta mort, est-ce que ton âme sera sauvée? Alors que nous sommes en train de vivre, de boire, de manger, de planifier et nos plans sont merveilleux. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nos âmes sont sauvées? Si tu meurs demain, où ira ton âme? En ce jour de ta mort, où ira ton âme? Tu peux être sauvé et être un bon élève à l'école. Tu peux être né de nouveau, être sauvé, en train de servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, et avoir un très bon boulot. Tu peux être sauvé et être une bonne épouse, un bon époux. Tu peux être sauvé. Amen. Quoi? Amen. Tu penses que nous, les chrétiens, on n'a pas le soir? Quand tu me regardes ce matin, je suis démodée. En fait, je ne sais pas ce qui t'empêche de te donner entièrement à Christ. Parce que moi qui suis en train de te prêcher ce matin, je ne pense pas que tu étais plus tard que moi. I don't think so. Si on compare mon passé avec toi présentement, toi tu es un ange. Yeah. Est-ce que quelqu'un a pu faire 7 jours sur 7 en boîte une fois? Lève ta main si tu as pu faire 7 jours sur 7 du lundi au lundi. Ok, one. La minorité. Oh, ok. Est-ce que quelqu'un a déjà une carte de fidélité en boîte? You see? Yeah, ça c'est moi. Ça, c'est moi. Mm-hmm. Pourquoi on ne donne pas un cas de fidélité à n'importe qui? Donc, alors que je suis en train de te prêcher pour te dire que dans ta vie, que je sais de quoi je parle. J'ai tout vu et j'ai tout expérimenté. Do you understand? Aujourd'hui, tu me vois comme si je descendais du ciel. Je ne descends pas du ciel, oh. Je viens de quelque part. Et les hommes, je te les changeais comme les chemises. Et je le dis pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un comme moi peut se tenir là, et si quelqu'un change les hommes comme des chemises, vous pouvez imaginer les grossesses et les avortements. Yeah! Mais si je me tiens là ce matin pour te parler de Jésus, I think you have to believe. Tu dois croire. Tu dois croire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est un Dieu d'amour. Qui peut te prendre de la boue là où tu te trouves et faire de toi une perle de prix. S'il a pu changer quelqu'un comme moi, ma soeur, ouvre un peu ton cœur. Tu seras même bishop. Moi, je ne suis pas encore pasteur, mais toi, tu seras bishop. Amen. Et le salut est gratuit. Le salut est gratuit. En ce jour de ta mort, est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Il y a un livre au ciel qu'on appelle le livre de vie. Il y a un livre au ciel qu'on appelle le livre de vie. Et à chaque fois que quelqu'un vient devant, pour accepter le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, ton nom est écrit dans ce livre-là. On ne paye pas pour avoir notre nom écrit dans ce livre. Tu n'as rien à payer. Jésus-Christ a tout payé à la croix pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner entièrement à Dieu? C'est la petite fille, là. Tu préfères aller en enfer à cause de cette petite fille-là? Tu seras choqué de savoir que tu es son cinquième gars. Belle demoiselle, c'est à cause du gars-là que tu ne veux pas te donner entièrement à Christ. C'est à cause du gars-là que tu ne veux pas te donner entièrement à Christ. Tu veux aller en enfer à cause de quoi? Un plaisir de 5 minutes? Les rapport sexuel, c'est un plaisir de 5 minutes. 5 minutes, c'est trop. 2 minutes. Une fois qu'il a éjaculé, c'est fini. À cause d'un tel plaisir, tu veux aller en enfer? Et c'est même pas que on t'interdit les rapports sexuels à vie. Non! C'est juste pour un temps. C'est une pause café. Vous connaissez pause café? Yeah! C'est juste une pause que tu fais. Dieu va te bénir avec un bon mari, une bonne femme. Tu comprends? Et là, tu vas enjoyer pleinement. Alors là, tu te caches. Do you understand? Il n'y a rien qui puisse être comparé à ton salut. La Bible déclare dans Proverbe 10, le verset 22, que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Si seulement tu vas décider de te donner entièrement à Dieu, si tu vas décider d'arrêter d'aimer le monde et ses feux d'artifice, ce n'est qu'une impression. Jeune fille, ce n'est qu'une impression. Le diable nous ment. Il te fait croire que tu rates beaucoup. Tu ne rates rien. Tu es sur la route de ta destruction. Si seulement tu peux faire cette pause café là, tu verras qu'il va prendre soin de toi. Il va te bénir avec un homme qui va te donner que la paix, la tranquillité. Il n'y aura aucun chagrin qui va s'accompagner à cette bénédiction. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Pour tout sacrifice que tu fais pour Dieu, il va te le rendre au centuple. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner entièrement à Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de le servir? J'ai été élève. Par la grâce de Dieu, je travaille maintenant. Mais ma priorité number one, c'est pas mon travail. Ma priorité number one, c'est Jésus-Christ. C'est ce que je fais pour Dieu. La Bible déclare, heureux, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible n'a pas dit heureux ceux qui sont des banquiers, des comptables, des informaticiens, des femmes au foyer, ceux qui ont des voitures, des maisons. La Bible n'a pas dit heureux ceux-là. Il dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car leurs œuvres les accompagneront. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'accompagner? Je t'ai dit que là-bas, on ne peut pas amener de téléphone, ni de chaussures, ni de ceinture, ni de chemise. Whatever. Je ne sais pas ce que tu as, que tu tiens tellement à ça que tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus et le servir correctement. C'est égal à zéro au ciel. C'est égal à zéro. C'est égal à zéro. En ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, dans quelle position est-ce que la mort va te trouver, mon frère? Dans quelle position est-ce que la mort va te trouver, ma sœur? Parce qu'on va mourir, ça c'est sûr, on n'est pas éternel. Mais la chose dont nous ne sommes pas sûrs, c'est quand? Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être dans 10 ans. Jésus-Christ veut prendre la première place dans ta vie. C'est tout ce qu'il te demande. De lui ouvrir ton cœur. Et Dieu nous aime tellement. Jean 3, 16 dit, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé, toi en particulier. Et si tu devais être la seule personne au monde sur cette terre, je peux te le dire que Christ allait toujours venir mourir pour toi. Ton âme a plus de valeur qu'une maison. Ton âme a plus de valeur que ton diplôme. Ton âme a plus de valeur que ton travail. Ton âme a plus de valeur que tes études. Ton âme a plus de valeur que ton mariage. Ton âme a plus de valeur que tes projets. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Donne-toi entièrement. jeune homme, jeune fille, Jésus-Christ nous veut et il nous veut maintenant. Il ne te veut pas à 50 ans, il ne te veut pas à 60 ans, il te veut maintenant. Il veut se servir de toi maintenant. Parce que l'autre côté, dans le monde, le maître de ce monde-là, il n'a que 3 projets pour toi. Alors que tu penses que tu es la star du quartier, il n'a que 3 projets pour toi. Il veut te détruire, il veut voler tout ce que Dieu a préservé pour toi, et il veut t'égorger, il veut te tuer, il veut seulement ta destruction. Ça, c'est tout ce que le diable veut faire de toi. La Bible déclare que Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que le gars là te donne que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que la fille là te donne que Dieu ne peut pas te donner? En ce jour-là, où sera ton âme? Si tu es venu aujourd'hui dimanche à l'église et tu n'es pas resté à la maison, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi tu entends ce message. Parce que ce n'est même pas quelque chose qu'on a préparé depuis l'année, non. The day before yesterday. 2 jours. C'est pas au hasard que tu es là, mon frère. C'est pas au hasard que tu es là, ma soeur. Dieu veut te sauver. Et il est en train de dire à quelqu'un ici, arrête tes faux semblants. Arrête tes faux semblants parce que je vois ton cœur et je connais tes projets. Sois vrai avec moi. Ouvre-moi ton cœur. Je rentrerai dans ta vie et je corrigerai toute imperfection et je ferai de toi le vase que je veux. Arrête tes faux semblants parce que je connais ton cœur. Je connais tes projets. Je sais que tu es faux. Tu n'es pas vrai. Arrête. Et si tu meurs, si ce jour-là vient te trouver dans cette position, tu ne viendras pas à moi. Et je veux te dire un truc, hein. N'attends pas d'être parfait avant de venir à Jésus. N'attends pas d'être parfait avant de venir à Jésus-Christ. Greg, tu peux m'avoir Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il n'a pas attendu qu'on devienne des anges pour venir mourir à la croix. C'est lorsqu'on était encore des pécheurs. Viens tel que tu es, mon frère. Tu voles encore, viens à Jésus comme ça. Tu mens encore, viens à Jésus. Quand je suis venu à lui, je forniquais encore. Je partais en boîte. Je mentais. Quand je suis venu à lui, je n'étais pas parfaite. J'ai décidé de venir tel que j'étais. Et lui, il m'a pris. Il m'a lavé. Elle a fait de moi une perle de prix aujourd'hui. N'attends pas d'être un ange. Viens tel que tu es. L'agneau immolé, son sang est assez puissant pour te laver de tout péché. Et quand j'ai dit tout péché, c'est tout péché. Même si tu as tué un être humain, le sang de Jésus est assez puissant pour te laver de ce péché-là. Tu as volé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu n'est pas traumatisé par ce que tu as fait. Il te connaît, il sait que tu es comme ça et il t'aime comme ça. Tout ce qu'il te demande, viens. Viens. Viens tel que tu es. Et ce matin, si tu veux venir à Christ, viens devant ici, on va prier ce matin. Tel que tu es. Ne cherche pas à être un ange. Lève-toi, viens. Tel que tu es, viens ce matin. Viens, nous allons prier ensemble. On va donner notre vie à Christ. Et on va s'assurer que notre nom est écrit dans le livre de vie. Viens ce matin. Viens ce matin. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Je dis, n'attends pas d'être parfait. Dieu te veut tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Et ce matin, l'ange au ciel est prêt avec son stylo. L'ange est prêt pour écrire ton nom dans le livre de vie ce matin. L'ange est prêt pour écrire ton nom dans le livre de vie ce matin. Il est prêt avec son stylo. Il veut écrire ton nom. Ma soeur, il veut écrire ton nom. Mon frère, il veut écrire ton nom. Il est prêt avec son stylo. Il veut t'enregistrer. Il veut t'enregistrer parmi les élus de Dieu, parmi les choisis. Il veut t'enregistrer afin que, après ta mort, tu n'ailles point en enfer. Vous allez répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce matin, je viens humblement devant ton trône. Je te demande pardon. Parce que depuis fort longtemps, je t'ai fui. J'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter ton amour à mon égard et d'entrer dans tes bras d'amour. Seigneur Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour mon mensonge. Pardonne-moi pour ma fornication. Pardonne-moi pour mon meurtre. Pardonne-moi pour ma jalousie. Pardonne-moi pour mon manque de pardon. Aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang précieux. Et fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Afin que si je meurs, je n'aille point en enfer, mais que j'aille au paradis. Merci Seigneur Jésus d'être venu mourir à la croix pour quelqu'un comme moi qui ne le méritait même pas. Merci. Je t'aime Seigneur. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse m'aider à être un bon chrétien ici-bas. Que ton Saint-Esprit Seigneur répande ton amour chaque jour dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.